suis fier d'être vivant. Que nous sommes passés à côté de la beauté. Sommes-nous si fiers d'être vivants que nous sommes passés à côté de la beauté? Sommes-nous si fiers? Sommes-nous si fiers d'être vivants que nous sommes passés à côté de la beauté? Se disperse quand vient la pluie sur le Nautilus. Le Libellus décore sans autre rapport de précision. Il y a des cortex, des coordonnées dans le cortex, sans aucune prétention de direction. Il s'allongea près de ses gens en lui disant quelques mots de sympathie, voulant la soudoyer à l'amour, lui présenta son sexe épais, visqueux, en n'y tenant compte guère, elle n'y tenit guère compte. Il se soulagea de son foutre en la regardant. Oh, regardant ses battre, elle comprit alors que les années passées, toute l'attention qu'elle avait pour lui était là en ce geste de remerciement. Alors, elle lui prit sa main, souillée, et la lui posa sur sa vulve, et se sourièrent. Oh, l'équerre et le compas se dirigeaient en direction des limbes orticulaires. Éventualité. mélodie lui parvient, il en siffla son air et tout le vin. C'était elle qui avait laissé s'enfuir, et c'est depuis qu'il avait la motin. Tout ce qu'il aurait dû être, c'était de la peau et la sublimation.